Al-Hayat Media Center presents Avance, avance, avance, avance sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les tues, les soldats du diable sans hésitation, fais les saigner même dans leurs habitations. N'aie peur de rien, fonce tout droit vers le bonheur, le champ de la bataille et le champ des honneurs. Dans cette guerre, tu as tout à et gagner un beau jour, ta sueur et ton sang vont témoigner. Bats-toi jusqu'à la rencontre du Tout-Puissant, en courant vers ta proie tel un lion rugissant. Avance, avance, avance, avance sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les tue, les apostats que le diable a égaré, avec les gens du faux la guerre est déclarée, plus de polémique ni de philosophie. Soit tu les tues, soit ils te tuent que du profit. Quiconque s'oppose à la charia est perdu, même lorsqu'il prétend pratiquer la vertu. Alors coupe les têtes de l'ignorance, coupe les têtes des soldats de l'errance. Avance, avance, avance sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les tue, les traîtres attaquent les par surprise, égorge les fées, leur payer leur traîtrise. Identifie l'hypocrite au cœur mort qui bat, qui ne bat que pour les intérêts d'ici bas. Il pense qu'Allah ne va pas le dévoiler, quel vrai imbécile inconscient au cœur voilé. Achève-le d'une balle dans la tête, tel est le sort du criminel qui s'entête. Avance, avance, avance, avance sans jamais reculer, jamais capituler. Avance, avance, avance, avance, guerrier invaincu, l'épée à la main, tu les avances.